baby. Record, les enfants de bonheur. Crie mon nom, espèce de salope. Enlève vite ta culotte avant que je la foute dans le fion. Crie mon nom, viens me sucer les boules et amène vite ta moule. Grosse touille maintenant, crie mon nom. Je l'ai rencontré à l'opium avec des dés. Tu te trémoussais pendant que moi je me branlais. Je t'ai payé une cro pour exciter ton clito. Au bout de la troisième, ta gueule et ta bite, je l'aime. Toi t'es bien comme la fille Lopez, t'aimes bien la bite et t'aimes bien la baise. Toi au moins t'es pas trop farouche, quand on veut te la coller dans la bouche. Viens dire bonjour, je vais te rouler. T'inquiète pas, tu vas bien juter. Je te parle même pas de l'état de ton cul après que je sois passé dessus. Crie mon nom, espèce de salope. Enlève vite ta culotte avant que je la foute dans le fion. Crie mon nom, viens me sucer les boules et amène vite ta moule. Grosse touille maintenant, crie mon nom. J'ai pris la Twingo, je t'ai emmené dans mon studio. Avec ta copine, vous en avez tâté de la fine. Toute la soirée, tu t'es bien fait trouer. Je t'ai pété la rondelle, maintenant casse-toi femelle. Toi t'es bien comme la fille Lopez, t'aimes bien la bite et t'aimes bien la baise. Toi au moins t'es pas trop farouche, quand on veut te la coller dans la bouche. Viens dire bonjour, je vais te rouler. T'inquiète pas qu'il va bien juter. Je te parle même pas de l'état de ton cul après que je sois passé dessus. Crie mon nom, espèce de salope. Enlève vite ta culotte avant que je la foute dans le fion. Crie mon nom, viens me sucer les boules et amène vite ta moule. Moi je suis rassasié, j'ai lâché ma purée. Maintenant je vais boire une cro sur le canapé devant Navarro. Finalement tiens ton, t'as pas trop discussion. Heureusement t'es une pute et que t'es là quand je suis en rut. Toi t'es bien comme la vie Lopez, t'aimes bien la bite et t'aimes bien la baise. Toi au moins t'es pas trop farouche, quand on veut te la coller dans la bouche. Viens dire bonjour, je vais te rouler. T'inquiète pas qu'il va bien juter. Je te parle même pas de l'état de ton cul après que je sois passé dessus. Crie mon nom, espèce de salope. Enlève vite ta culotte avant que je la foute dans le fion. Crie mon nom, viens me sucer les boules et amène vite ta moule. Grosse touille maintenant, crie mon nom. Tu sais les boules et amène vite ta boule. Construis ma tante.